Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, les paradoxes de la viande. Une série de Delphine Saltel, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a ce plaisir désormais un peu coupable du magret de canard saignant au barbecue. Et puis cette question, comment peut-on à la fois aimer les animaux et les manger, savourer des côtelettes d'agneau et frémir à l'idée de déguster un chaton ou un teckel? Peut-être qu'il faut ausculter le steak, qui repose alors dans sa petite barquette. Alors pour commencer, les personnages. Une documentariste qui s'interroge, un économiste qui décrypte, un journaliste au cœur du sujet, un auteur écœuré, un critique gastronomique réaliste, une standardiste hostile, un vétérinaire qui fait ce qu'il peut et un salarié qui doit faire avec. Ensuite, le décor. Les rayons du supermarché, des barquettes en polystyrène, un abattoir, des cris de bêtes, des mises à mort, des animaux épuisés, des questions existentielles, une cuisine d'appartement, une poêle à frire et des lentilles pour mieux dormir. Aujourd'hui, 3e épisode, on emporte le caddie. Là, tu prends le panier de course. Hein. Pourquoi? Contrairement aux apparences, ceci n'est pas un reportage sur la condition féminine. Des yaourts céréales. Qu'est-ce qui manque? Des légumes. Certes, vous vous demandez pourquoi cette mère de famille se trouve seule avec ses deux enfants de moins de 10 ans. Et pour l'école, vous avez besoin de... pour partir faire les courses de la semaine au supermarché, seul, avec ses deux enfants de moins de 10 ans. Où est le père? Est-ce qu'il est parti en voyage d'affaires? On peut y aller là? Et pourquoi ses enfants sont si mal élevés? Passez devant. Non, non, on a... ok, j'ai compris. On a... mais non. Enfin, si, cette mère est clairement débordée, je le sais, puisque c'est moi. Mais mon problème en ce moment, ce n'est pas l'inégalité dans la répartition des tâches au sein de mon foyer ou la charge mentale. Non. Non, non, c'est pas la salade. J'ai un autre problème, tout aussi politique d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme viande? Oui, la viande. Je sais pas. Il faut que vous ayez de la viande. Je ne sais pas vous, mais pendant très longtemps, je ne me suis posé aucune question sur la viande. Un steak? Ouais, un steak. C'était quelque chose qui allait de soi. La bavette du plat du jour, le poulet rôti du dimanche, les grillades l'été, le foie gras à Noël. Le steak à chicha roulé. Je participais joyeusement à cette culture carnivore sans jamais la remettre non, en cause. Un vrai steak, non. D'ailleurs, je n'ai jamais incité mes enfants non plus à se questionner. C'est quel animal, tu penses? Je sais pas. Bah. Mais c'est la vache. Ah oui, c'est la vache. Par paresse intellectuelle. Alors, donc on va prendre un morceau de vache. Et oui. Peut-être un petit peu par peur de les traumatiser aussi. Mais c'est horrible. Comment ça, c'est horrible? Non, mais ça veut dire que c'est comme si on prenait un bout de ton ventre. Bah, c'est pas des humains, c'est des animaux. Oui, mais c'est comme si on mangeait un être vivant. Bah, on mange un être vivant. Mais ces temps derniers, j'ai remarqué que quand je flâne devant les vitrines frigorifiques du rayon viande, au moment de choisir une barquette de bœuf bourguignon ou de filet mignon, je n'emmène pas large. Il y a quelque chose qui me chiffonne. C'est grillé, c'est... Oui, ce qu'il faut choisir, là. Non, non, mais attends, je vais prendre un steak. Je prends deux, là, je prends deux. Ce que vous ressentez aujourd'hui est peut-être lié à ce que effectivement certains psychologues appellent le paradoxe de la viande. C'est très lié à un concept en psychologie qui est le concept de dissonance cognitive. L'économiste Nicolas Trèche, qui est chercheur à l'INRA et qui travaille à la Toulouse School of Economics sur les attitudes et les choix des consommateurs, m'explique d'où peut bien venir mon malaise. L'idée de la dissonance cognitive, c'est qu'il peut y avoir une tension entre une idée, un sentiment et typiquement une action qui va être dissonante. Donc dans le cadre, par exemple, du comportement d'achat de viande, l'idée, la pensée pourrait être « j'aime pas faire du mal aux animaux » et l'action pourrait être « je mange de la viande ». Et donc là, l'idée, c'est qu'il y a une dissonance qui peut être créée. C'est une hypothèse, hein. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la viande. Et c'est assez naturel de penser qu'on va essayer de réduire cette dissonance. En économie, on parlerait de coût psychologique lié peut-être à la culpabilité que vous ressentez quand vous achetez de la viande. Et donc, on va essayer de réduire ce coût, par exemple, en choisissant avec plus d'attention le type de viande que vous allez acheter, voire en réduisant la consommation de viande, en devenant végétarien ou vegan, etc. Donc ça, c'est une stratégie possible qui est liée aux actions. Mais une autre direction, c'est d'adapter vos croyances. Par exemple, de minorer la souffrance des animaux d'élevage. Oh, il y a du veau, tiens, de côte. C'est tout à fait ce qui se passe là. Évidemment, il y a une partie de moi, au fond, qui sait très bien qu'il existe une face cachée de la viande. J'ai vu passer, comme tout le monde, les vidéos de L214, entendu parler du cheval polonais dans les lasagnes. Je me doute bien que derrière la viande produite par l'industrie agroalimentaire, il y a des choses pas très reluisantes. Mais au moment de remplir mon caddie, j'essaye de penser à autre chose. Et j'y arrive très bien, en fait. Parce que je sais que si je regarde vraiment la viande en face, ça risque de m'amener trop loin. Notamment à rompre complètement avec mon mode de vie et mes habitudes. Et c'est trop compliqué. Je pense qu'il y a une partie qui est inconsciente, en fait, dans ce processus. On va éviter les informations qui ne vont pas aller dans notre sens. On va refouler certaines informations, peut-être, mal interpréter, mal se souvenir de certaines informations, ou finalement accorder beaucoup de crédit à certaines informations, par exemple issues du secteur producteur, parce que ces informations nous arrangent. Donc il y a un processus très complexe. Et l'idée, c'est de, en tant que chercheur, c'est d'essayer de décortiquer ce processus. Donc je peux vous donner un exemple d'étude en psychologie qui, je crois, est compatible avec le paradoxe de la viande. Des chercheurs australiens ont étudié la perception des capacités cognitives des animaux et ils ont vu que les gens qui participaient à cette étude pensaient que les animaux d'élevage étaient moins intelligents que les animaux de compagnie et que les animaux sauvages aussi. Et ça, c'est tout à fait compatible avec l'idée du paradoxe de la viande. Je vais finalement penser que les animaux que je mange sont moins intelligent et donc je me sens moins coupable. Celui-là, le bio, là. Franchement, ça ne m'arrive pas souvent. Mais si au moment d'acheter un rôti de veau, j'ai un flash, que je vois l'image du petit animal fauché en pleine jeunesse, je la chasse tout de suite, en me disant que c'est de la sensiblerie, qu'un animal d'élevage est fait pour ça, pour qu'on le tue, qu'il ne faut pas l'humaniser, confondre sa sensibilité avec mes sentiments. Au fond, je préfère me dire que dans son box, ou même à l'abattoir, l'animal que je mange ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, et qu'il n'est pas malheureux comme moi je le serais à sa place. C'est comme ça que je soulage ma mauvaise conscience. Les gens finalement ont des croyances qui sont flexibles, manipulables, malléables, et donc il y a un enjeu derrière pour essayer d'influencer ces croyances. Donc il va y avoir des lobbies, en particulier le secteur producteur, qui va finalement essayer de tenir compte de ce phénomène, par exemple en nous donnant des images d'animaux qui sont heureux, qui sont élevés dans des environnements bucoliques, ou des dessins d'animaux avec des sourires, la vache qui rit, etc. Et alors qu'on sait, aujourd'hui, la plupart des animaux en France sont élevés dans des conditions intensives. Par exemple, 70% des poules pondeuses sont dans des cages ou 95% des cochons sont en intensif, donc dans des environnements clos. Ces informations-là vont être plus ou moins cachées aux consommateurs. L'animal mort ne va jamais apparaître. Donc tout va être fait pour que le consommateur oublie finalement et pense que tout se passe bien dans ce monde. Et notre idée, c'était d'étudier les perceptions des consommateurs et en particulier de comparer ces perceptions à la réalité des pratiques du secteur de l'élevage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une enquête auprès de plus de 3000 personnes représentatives de la population française et on leur a posé des questions. Donc par exemple, combien d'animaux sont tués chaque jour, quelle est la taille des cages, des poules, quelle est la proportion des porcelets mâles qui sont castrés à vif, quelle est la proportion des cochons qui sont élevés à l'intérieur, etc. Donc on a posé une série de questions, une dizaine de questions, et on a comparé ces questions à la réalité, aux données objectives qui sont fournies par le secteur ou par le ministère de l'Agriculture, etc., ou l'INRA. Et ce qu'on a vu, c'est que la plupart des gens minoraient la souffrance animale, trois quarts des gens minorent en moyenne la souffrance animale. Et ça, c'est compatible avec le paradoxe de la viande. D'autant plus, et ça, c'est, je pense, la partie la plus intéressante de l'étude, c'est qu'on voit qu'il y a une corrélation avec la consommation de viande. Plus je consomme de la viande, plus je vais minorer la souffrance animale. Et donc ça, c'est plus compatible avec l'idée qu'il y a des croyances motivées par l'envie de finalement se déculpabiliser. D'après vous, combien d'animaux sont tués chaque jour en France pour la consommation alimentaire ? C'est une des questions de l'étude de Nicolas Treich. Moi, avant de préparer cette émission, je n'en avais aucune idée. Je pensais que c'était 1 million. Et déjà, ça me semblait énorme. Mais en fait, c'est 3 fois plus. 3 millions d'animaux, chaque jour, rien qu'en France. Quand je prends conscience de ce chiffre, je me dis que maintenant ça suffit, la dissonance cognitive. Qu'il faut arrêter de me voiler la face comme ça. Prendre un peu mes responsabilités. Devenir une consommatrice informée qui met en cohérence les informations dont elle dispose avec ses actes et ses achats. Alors, je décide de réunir le maximum d'informations sur cet animal, ce bœuf dont j'ai acheté un morceau de 120 grammes. Comment a-t-il vécu? Comment est-il mort? Quelle chaîne de production l'a mené du champ à la barquette? Et quand je saurai toutes ces choses que j'ai longtemps préféré ignorer, serai-je encore capable de manger un steak? La conscience tranquille. Pour mener cette petite enquête, tout commence avec l'étiquette. L'étiquette collée sur la barquette en polystyrène de mon steak à griller. Depuis 2002, suite à la crise de la vache folle, la viande bovine est soumise à des exigences de traçabilité. Chaque barquette doit porter des mentions légales. Numéro de lot, origine, lieu d'abattage, lieu de découpe. Toutes ces informations apparaissent sous forme de code à 8 chiffres, écrits en minuscules, auxquels je ne comprends d'abord rien. Alors, je contacte Thibaut Shepman, journaliste, qui a publié pour le site d'information Les Jours une série d'articles excellents sur la viande. Je découpe mon étiquette et je pars chez lui pour qu'il m'aide à remonter le fil de mon steak de supermarché. Donc je la découvre. Alors il y a d'abord une partie promotionnelle, marketing, donc il y a écrit bœuf. Donc en lisant ça, on imagine que c'est un bœuf. Non pas une vache. Il y a écrit des produits préparés par des professionnels, tant mieux. Il y a écrit la consommation régulière de viande contribue à une alimentation équilibrée, pourquoi pas. Et il était indiqué que ce sont des pièces de bœuf prêtes à cuire, préparées pour vous. Et il y a une belle photo de paysage bucolique, une grande prairie et des arbres. Oui, effectivement, on a l'impression de préserver un paysage quand on achète cette pièce de viande. Et ensuite, il y a des parties donc plus réglementaires, donc ça c'est obligatoire. Il y a un numéro de lot, il y a la date de péremption, le poids, le prix, donc 18,60 € au kilo. Et ensuite, on voit que est indiqué l'endroit où a été découpée la viande et l'endroit où l'animal a été abattu, qui sont deux endroits différents parce que c'est deux numéros différents. Et il est indiqué une usine qui s'appelle Socopa. Enfin, c'est une filiale du groupe Bigard en fait. Et Bigard, c'est le numéro un de la viande en France, au moins pour le steak haché. C'est une bonne partie des abattoirs, c'est des dizaines de milliers d'animaux qui sont abattus par semaine. Enfin, c'est vraiment un énorme groupe. Donc, derrière ce steak, il y a un gros groupe industriel, en tout cas, déjà, on peut le savoir. Il est indiqué l'origine France. Origine France, c'est un gage de sécurité. Ce qu'on a pu voir dans l'affaire de la viande de cheval, c'est que plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de risques. Plus on peut avoir des tricheries vraiment sur l'origine et la transparence de la viande. Donc effectivement, plus la viande est proche de nous, plus si la viande est française, c'est plutôt une nouvelle rassurante. Il y a écrit viande bovine à griller sur l'étiquette. Bœuf, en fait, voilà, je peux acheter un morceau de steak où il y a écrit bœuf, mais en fait, c'est pas du bœuf. En fait, il y a écrit viande bovine. Dans la partie de l'étiquette pour séduire le consommateur, il est indiqué bœuf. Mais là où il y a les informations légales, il est indiqué viande bovine. Mais 80% de la viande bovine française vient de vache, en fait, qui a produit du lait toute sa vie et qu'on mange parce qu'elle ne produit plus assez de lait, quoi. Donc c'est des vaches qui sont quand même plus en grande forme. C'est pas le beau bœuf qui gambade dans les prés comme on peut l'imaginer. Honnêtement, vu le prix, 18,61 € au kilo, et l'allure du morceau que j'ai acheté, tout terne et avachi sur son coussinet absorbant, c'était déjà probable que je n'avais pas affaire à une bête à concours de l'Aubrac, bien persillée, bichonnée par des paysans aux traditions séculaires. Ma surprise, elle vient plutôt du fait que, soudain, je m'aperçois que je n'avais jamais pensé au sort des vaches laitières. Encore un coup de la dissonance cognitive. Qu'est-ce que j'imaginais depuis 40 ans que je bois du lait ? Que les vaches se laissent traire dans la joie par des machines électriques ? Vais-je manger de la vieille vache laitière épuisée ? Pour en avoir le cœur net, toujours avec l'aide de Thibaut Shepman, je retrouve le site de découpe et de conditionnement qui correspond au code indiqué sur l'étiquette. C'est une usine près du Mans, dans la Sarthe. Ils sont spécialisés dans le bovin. D'accord. Ah, c'est Chéré. Apparemment, il y a un accent. Le copain Chéré, Nathalie, bonjour. Oui, je vous téléphone parce que j'aurais besoin de renseignements. Je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut que je demande. En fait, j'ai acheté un steak la semaine dernière dans une grande surface à côté de chez moi. Je me demandais s'il y avait un service consommateur qui aurait pu me répondre à quelques questions que j'avais. Un instant. Merci, madame. Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est le service qualité ? Oui. Oui, bonjour, madame. Je voulais quelques renseignements. Vous êtes consommatrice ? Oui. En fait, moi, j'ai acheté un truc qui s'appelle viande bovine à griller. Et en fait, j'ai lu que ça pouvait être que viande bovine, ça ne veut pas forcément dire bœuf. Ça peut être de la vache laitière de réforme. Et donc, je me demandais si, avec le numéro de lot qui est sur mon étiquette, je pouvais me renseigner sur la provenance de la viande. On peut vous dire, oui, de quelle catégorie animale. Mais en fait, viande bovine, dans la viande bovine, on trouve, il y a le bœuf, le taureau, la vache, le jeune bovin. Ça fait partie de la viande bovine. C'est les catégories animales. D'accord. En fonction si c'est une femelle ou un mâle, si l'animal a vélé ou pas, etc. Et il peut y avoir du mélange aussi dans les lots. Hein. Ça dépend des cahiers des charges clients. Et donc, moi, là, si par exemple le numéro de lot que j'ai sur mon étiquette, il faut que je le donne à qui ? À vous ? Vous êtes l'établissement de découpe. Qui avons fabriqué ce produit, c'est un numéro de lot 99 là que vous avez ? Oui, 99, 44, 441, 493. Est-ce que je peux savoir de quel type d'élevage et si c'était une vache ou un bœuf ? C'est possible ça ou... Oui, à partir d'un numéro de lot, on peut vous dire les catégories d'animal. Après, ce n'est pas des informations obligatoires, c'est pour ça qu'on ne les étiquette pas. Il peut y avoir du mélange. Après, on peut vous dire le nom des élevages et tout on ne vous le dira pas parce que ça reste... c'est pas forcément d'accord. Des informations sur lesquelles on communique aux consommateurs. D'accord. Mais donc, si c'est à vous, je le donne, c'est au service qualité ou je... Par contre, je ne suis pas à mon bureau. Ouais. C'est possible d'écrire un mail avec le numéro de lot ? On regardera dans le numéro de lot que vous nous avez transmis. Merci, au revoir. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. En attendant la réponse au mail que j'envoie immédiatement au service consommateur, je contacte Michel Courin. Il est expert vétérinaire et il travaille notamment pour l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, une association de défense des animaux reconnue d'utilité publique. Michel Courin assure des audits de protection animale dans des abattoirs et des élevages. Je me dis qu'il peut peut-être m'aider à mieux comprendre ce qu'a pu être la vie de la vache laitière à qui j'ai peut-être affaire. Quand vous achetez de la viande bovine, en fait, vous pouvez acheter n'importe quel type de bovin, c'est-à-dire aussi bien un bovin laitier qu'un bovin à viande. Donc, viande bovine, ça ne veut pas dire bœuf, mais ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de manger ce qu'on appelle des vaches de réforme, c'est-à-dire des vaches qui ont produit tellement de lait qu'elles sont malheureusement incapables d'en produire davantage et qu'au lieu de couler des jours heureux dans les pâturages, ou d'être soumis à des régimes où on leur demande moins de production, en fait, on les envoie directement à l'abattoir alors qu'elles ont à peine 5 ou 6 ans. Le niveau de rentabilité n'est plus suffisant. C'est comme les poules pondeuses qui sont réformées à l'âge de 18 mois, alors qu'en fait, elles peuvent vivre jusqu'à 6 ou 10 ans, mais simplement, elles ne donnent plus suffisamment d'œufs. Donc, vous avez un rapport malheureusement strictement économique et vous avez... à la fin, non plus un animal, mais vous avez une usine productrice de lait. Donc, les animaux qui ne sont plus, entre guillemets, rentables, vont partir sur le marché de la boucherie. L'évolution de l'élevage laitier a une importance considérable sur le marché des bovins en particulier, puisque la grande majorité des bovins abattus donc que vous allez consommer, ce seront des vaches laitières, ce qu'on appelle de réforme. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vieilles, parce qu'elles sont au contraire très jeunes, elles ont 5-6 ans, mais fatiguées, puisqu'elles ont été amenées à produire des quantités qui sont au-delà de leur physiologie normale. C'est comme si vous avez une chienne et que vous lui faites faire 2 portées par an pendant 5 ans ou 6 ans d'affilée. C'est épuisant sur le plan physiologique. L'évolution de l'élevage laitier doit vraiment se poser des questions, et le consommateur lui-même doit se poser des questions, notamment parce que la plupart de la viande actuelle est consommée sous forme de viande hachée. Alors, il est évident que quand vous avez une vache type vache laitière qui n'a pratiquement pas de muscles au niveau des postérieurs, on va quand même racler cette viande et on va pouvoir en faire des steaks hachés. Vous ne verrez pas la différence en tant que consommateur, mais la probabilité que vous mangiez de la vache laitière dans votre steak haché, elle est très importante. Madame, nous faisons suite à votre demande d'information et nous tenons à vous apporter les éléments de réponse suivants. Nous avons effectué une recherche de traçabilité à partir du numéro de lot 994-41-493. Pour ce produit, il s'agit de vaches laitières. Concernant l'origine, les muscles mis en œuvre pour élaborer ce produit sont issus d'animaux élevés en région Bretagne et abattus dans la même région sur un des sites du groupe Socopa. Enfin, concernant les modes d'élevage, ce produit n'est pas issu de filières spécifiques et de ce fait, nous n'avons pas d'exigence particulière sur ces thèmes. Nous vous précisons toutefois que chaque fournisseur du groupe signe un cahier des charges auquel il s'engage à respecter la réglementation. Et si je mange une viande issue de vaches laitières plutôt qu'une viande issue d'un bovin à viande, il y a plus de souffrance animale du côté de la vache laitière, en fait. En principe, les bovins à viande sont maintenus dans un état de bien-être qui est supérieur à celui des vaches laitières, puisque effectivement, on leur demande, entre guillemets, qu'une seule chose, c'est de grossir et d'engraisser, mais d'engraisser en faisant du muscle surtout. Et donc, ils sont soumis à des régimes, effectivement, qui supposent beaucoup de présence au pâturage, surtout dans les régions productrices les plus connues en France, comme le Limousin ou le Charolais, par exemple. Par contre, une vache, on lui demande parfois d'être attachée tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'elle ne voit jamais le jour, d'être enfermé dans des petits habitacles, des petites loges de béton qui ont été conçues il y a 20 ou 30 ans quand les vaches avaient un format différent. On se préoccupe relativement peu du bien-être de la vache laitière, notamment vous avez énormément le taux de boiterie, donc d'animaux qui présentent des difficultés de locomotion chez la vache est extrêmement important. Le taux d'inflammation de la mamelle est extrêmement important aussi dans certains cas. Et vous avez toute une série de pathologies liées au bien-être chez la vache laitière qu'on ne retrouve pas chez les bovins à viande. J'aurais du mal à en apprendre beaucoup plus sur l'existence de ma vache laitière. Elle n'a sans doute pas souvent vu le ciel, ni brouté l'herbe fraîche de sa Bretagne natale. Sur le site internet de la filière laitière, j'apprends juste qu'elle a 60% de chance d'appartenir à la race Primolstein, celles qui ont des jolies taches noires et blanches. Et qu'avant de l'envoyer à l'abattoir, on lui a ponctionné 6800 litres de lait chaque année. Mais grâce à l'estampille sanitaire sur l'étiquette, je peux localiser l'endroit où elle a vécu ces dernières heures. Donc 22 067 001, c'est ça? Ouais. Un abattoir dans une zone industrielle près de Guingamp. Donc on arrive effectivement chez Socopa Viande et on a une adresse, zone industrielle. La ville c'est Grasse et on a ici le code B pour bovin. Ça veut dire qu'il ne traite que de la viande bovine? Oui, visiblement. Voilà, après on peut voir que c'est pas dans le même département qu'elle a été découpée. Donc là aussi ça montre que la viande a voyagé, c'est des processus industriels pour rationaliser les coûts. On se dit qu'on tue un endroit et qu'on peut faire plusieurs centaines de kilomètres parfois pour aller découper la viande ailleurs. Est-ce que j'ai les moyens de voir si cet abattoir a été audité ou contrôlé, vérifié par des services vétérinaires ou par l'OABA. Oui, alors ça c'est vraiment la chose qui a changé grâce aux vidéos qui ont été publiées par L214. Ensuite, il y a une commission d'enquête parlementaire et une des décisions qui a été prise, c'est de rendre public en fait certaines visites vétérinaires notamment. Et en fait, chaque anomalie a été publiée à l'époque. Tac. Inspection de la protection animale. Un abattoir de boucherie. Sur le site Alim Confiance du ministère de l'Agriculture, il nous suffit de rentrer le numéro d'agrément pour découvrir que mon abattoir a été contrôlé pour la dernière fois le 8 novembre 2018 et qu'il a obtenu la mention « Niveau de maîtrise sanitaire très satisfaisant ». C'est rassurant et en même temps, ça ne me donne aucune idée précise de comment les choses se sont réellement passées pour ma pauvre vache. En fait, les audits qui sont faits par l'administration sont des audits de deux types, mais en général, il n'y a qu'un seul audit bien-être animal par an dans un abattoir. Et les critères qui sont pris en compte pour cet audit de bien-être animal sont beaucoup, beaucoup moins stricts que ceux employés pour l'OABA. Donc en fait, on considère pour nous, à l'OABA, que le bien-être de l'animal, en fait, c'est un ensemble qui va jusqu'à l'élevage. Et après, bien sûr, le volet transport est extrêmement important. En France, 40% des abattoirs sont situés en Bretagne. Ça veut donc dire que certains animaux sont soumis à des transports de très longue durée parce qu'il faut aller fournir ces principaux abattoirs. Et vous avez donc des cas de figure où les animaux peuvent même venir de l'étranger et donc être soumis à des conditions très stressantes parce que pour l'animal, il doit s'habituer à un nouvel environnement et après, il suffit d'un virage un petit peu plus fort ou d'un rond-point et une vache un petit peu fragile peut tomber par terre et être piétinée par ses congénères ou quoi que ce soit. Et vous avez toute une série de stress qui peuvent donc dépasser les 8 heures, voire les 12 heures, voire les 24 heures. Donc il n'y a pas de limite en droit européen sur la durée du transport. Un des abattoirs que j'ai audité il y a juste un peu plus d'un an, vous aviez pratiquement 20% des animaux qui arrivaient alors qu'ils étaient inaptes au transport. On ne peut pas transporter des animaux, par exemple, qui ne marchent que sur trois pattes parce qu'ils ont une boiterie avec une douleur importante, ou des animaux gestants qui sont en fin de gestation, donc qui peuvent mettre bas à tout moment, ou qui ont des plaies ouvertes. Ou, bon, je vais vous passer les détails parce que c'est vrai que c'est un petit peu gore. Et c'est un cas malheureusement très fréquent avec les vaches laitières, où vous n'avez, entre guillemets, plus que la peau sur les os. Et donc, ce sont des animaux, ce qu'on appelle cachectiques, qui sont extrêmement faibles, qui n'ont pratiquement plus de muscles au niveau des pattes arrière, et donc de ce fait-là, qui ont un mal extrême à se tenir debout sans tomber. En fait, le transport obéit d'abord à des obligations, entre guillemets, économiques bien précis, qui fait que vous avez des grands abattoirs, et ces grands abattoirs emploient énormément de personnes, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, et ce sont des structures qui doivent tourner à plein régime. Et pour tourner à plein régime, ça veut dire que si un jour vous ne trouvez plus d'animaux à moins de 100 km ou 200 km de l'abattoir, vous allez vous approvisionner auprès de marchés qui sont beaucoup plus loin. Donc, il n'y a aucune garantie de proximité quand vous achetez un animal, quel qu'il soit. Donc, j'appelle la Socopa Viande, donc l'abattoir, 7 route de Sainte-Croix, 22 200 Grasse. Socopa Viande Guingamp, bonjour. Bonjour, je vous téléphone parce que j'aurais besoin de renseignements. En fait, j'ai acheté un steak et j'ai vu sur l'étiquette que l'animal avait été abattu dans votre établissement. Je me demandais s'il y avait un service consommateur. Je ne pourrais pas vous dire. C'est vrai qu'un service qualité peut vous... Ah bah voilà, un service... Oui, mais enfin bon, après, si tous les clients appellent, je vois. Un instant. Un abattoir, c'est pire qu'un sous-marin nucléaire. Non, la personne n'est pas dans son bureau, elle doit être dans les ateliers. Impossible d'y pénétrer et très difficile de parvenir à soutirer quelques informations claires sur ce qui se passe à l'intérieur. Après vous rappelez au standard, mais bon, après, bon, ce matin, c'est moi, donc bon, ce matin, voilà, ça ne m'arrange pas du tout. Mais bon, voilà, je vais vous laisser, madame. Après. Est-ce que vous pouvez me donner juste une idée de la taille de votre établissement, en fait? Il y a combien de salariés? 170, nous on fait juste voilà, l'abattage et puis un peu de conditionnement, mais c'est tout. On ne fait pas de transformation après. Et en gros, ça fait combien d'animaux traités? Entre 800 et 900 la semaine. D'accord, mais je rappelle cet après-midi, ça ne sera pas vous? Oups. Ben j'espère, donc ce ne sera pas moi maintenant. Au revoir. Le journaliste Geoffrey Le Guilcher, lui, s'est carrément fait embaucher comme intérimaire pendant plusieurs semaines dans un abattoir breton pour pouvoir écrire son livre d'enquête, Steak Machine. Alors déjà, c'est intéressant de noter que votre abattoir se situe en Bretagne, dans la région abattoir de France, puisque 30 à 40% des animaux y sont abattus. Comme le mien, que j'ai infiltré, il était aussi en Bretagne. Donc moi j'ai atterri sur la chaîne dite chaîne bœuf, où on abat des vaches, des taureaux et des veaux. Donc votre abattoir abat 900 animaux par semaine, le mien abattait 600 vaches par jour et 7500 porcs. Ce qui faisait à l'époque environ 2 millions d'animaux par an, et aujourd'hui leur rythme est plutôt à 3 millions. Et il faut comprendre que l'abattoir que j'ai infiltré, c'est une ville en fait qui est placée sur deux petits villages de 900 habitants. Et pour se cacher, hein, toujours dans cette logique un peu du tabou, ont été plantés 50 000 arbres autour de l'abattoir. Et en fait, quand on pénètre à l'intérieur de cet abattoir, donc qui a une station d'épuration des eaux semblable à celle de la ville d'Ajaccio, donc pour une ville de 60 000 habitants, l'usine, on ne peut pas se douter de ce que c'est. Et c'est comme si on avait mis côte à côte une quinzaine d'hypermarchés. Voilà, c'est ça à peu près la taille des bâtiments. Et il y a des parkings autour, il y a une odeur assez atroce sur le site. Les animaux arrivent en camion à l'abattoir. Parfois, ils sont abattus dans la journée, parfois le lendemain. Mais les gros abattoirs industriels essayent d'abattre les animaux le plus vite possible. Il y a un énorme turnover. Et donc, quand un animal arrive, il est déposé, donc, en l'occurrence, à la bouverie pour une vache. Ensuite, il est amené dans un couloir. Donc souvent, là, les animaux commencent à entendre des cris, à sentir une odeur, à sentir que quelque chose est très différent de d'habitude. Donc, ils ne veulent pas avancer. C'est pour cette raison qu'une femme extrêmement célèbre, qui est Temple Grandin, a inventé la boxe, c'est-à-dire une sorte de boîte où l'animal est un petit peu contenu sur les côtés et qui l'aide, en tant que, quand c'est une vache, à se tranquilliser. Elle-même, elle est autiste, Temple Grandin, et elle s'était aperçue que dormir dans une sorte de boîte en bois, une sorte de cercueil, l'aidait à mieux dormir. Et elle a beaucoup étudié les vaches, et c'est devenu la norme dans tous les abattoirs. Et là vient le matador. Il vient avec un pistolet à piston, et en fait, une tige en métal est propulsée à 7 cm dans le cerveau de la vache et ressort. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'étourdissement, qui est censé anesthésier un petit peu l'animal. Souvent, là, l'animal a des convulsions, se débat, parfois il bouge plus. Là vient l'accrocheur, c'est l'un des postes les plus dangereux de l'abattoir. Passe une chaîne autour d'une cheville de la vache et en fait, par un treuil, la monte au plafond à l'envers. Donc là encore, des animaux se débattent, c'est assez horrible. Il faut imaginer un animal qui peut peser 500 kg, une tonne, se débattre. Et ensuite vient le poste de l'égorgeur. Avec son couteau, il sectionne deux jugulaires au niveau de la carotide. Et l'idée, c'est de faire que l'animal se vide de son sang le plus rapidement. Il faut savoir que dans un abattoir, moi, en l'occurrence dans mon abattoir, on tue une vache par minute. Ça veut dire que chaque minute, un tululute de camion qui recule retentit et le corps d'un animal se déplace d'un poste à l'autre. Donc toutes les minutes, il y a une bête qui tombe. Nous avons quasiment une minute pour faire notre travail. Aussi bien pour celui qui est à l'assommage, que pour celui qui est à la saignée, que pour celui qui est à la découpe de la tête, celui qui vide, ceux qui enlève la peau. Donc moi, dernièrement, j'étais sur tout ce qui est fin de chaîne, c'est-à-dire j'étais au vidage, j'étais au dégraissage, j'étais au fendage de la carcasse en deux. J'ai été dans mes débuts d'année, j'ai été tueur, mais quand ça vous regarde comme ça, rester de marbre, certaines personnes peuvent peut-être y arriver, mais pas moi. Faire ça toute une journée, tous les jours, je pense que l'effet psychologique est très fort. J'ai mis du temps à trouver un salarié d'abattoir qui accepte de m'expliquer la vie quotidienne des ouvriers sur la chaîne d'abattage et de transformation des carcasses. L'usine à viande est une grande muette. Mais Stéphane Geoffroy est délégué du personnel, ce qui lui permet de témoigner à visage découvert. C'est un monde assez dur entre hommes, c'est assez... si t'es pas capable de faire ce métier ou ce poste-là, ben tu t'en vas, tu restes pas. Donc en parler après... Non, c'est très difficile d'en parler. Non, très difficile. On n'en parle pas dans ce milieu-là. Alors qu'en fait, tout le monde souffre. C'est difficile de dire ça, moi je dirais oui, mais après, aucune étude n'a été portée sur les personnes comme nous. Après, moi, c'est parce que j'ai pris des médicaments pour dormir, bien sûr, la nuit. Après, je pense que on voit des grandes quantités de sang, donc je pense pas que ça peut être anodin. C'est à mon avis, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Et au fur et à mesure d'en parler avec certains collègues, je m'aperçois que certains collègues aussi prennent ces mêmes médicaments pour dormir. Ou d'autres vont prendre soit des drogues ou soit prendre de l'alcool. Surtout au milieu de l'abattage, la tuerie, tout ce qui est au niveau de la saignée, de ces choses-là. Il faut comprendre qu'en France, on divise souvent les abattoirs en deux catégories. Il y a les abattoirs dits municipaux, qui sont plutôt petits, qui sont supportés par des mairies pour que des petits éleveurs locaux ne dépérissent pas. Et il y a les grosses machines qui abattent la majeure partie de ce qui est mangé en France. Il faut savoir qu'en France, on tue environ 1 milliard d'animaux par an. Et pour tuer ce milliard d'animaux en abattoir, c'est évidemment pas avec les abattoirs municipaux qu'on peut atteindre de tels chiffres. Mais après, les abattoirs ne sont pas rentables majoritairement. Notamment pour ce qui est de la viande au kilo du bœuf, par exemple, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse. La moyenne de rentabilité de ce qu'on appelle le kilo carcasse, ça veut dire un kilo où il y a tout. Les tendons, les os, on prend tout en compte puisqu'on essaye de tout transformer. La moyenne au niveau national de rentabilité par kilo pour un abattoir, c'est 0,01 centime d'euros. Donc autant dire zéro. À part pour les très gros abattoirs qui, en multipliant la transformation de tel ou tel bout d'animal, alors on va faire du rouge à lèvres, la plupart des produits cosmétiques sont faits avec des produits d'animaux, on va faire de la pâtée pour chien, des bonbons Haribo, on va faire des merguez, on va faire des chipolatas, on va faire tout ce que vous voulez. Et en fait, comme le seuil de rentabilité n'est déterminé que par une chose, c'est par la cadence. En combien de temps votre animal entre vivant et ressort en barquette et disséminé pour aller faire des rouges à lèvres ou de la pâtée pour chat ou chien. Et c'est juste ça. C'est pour ça qu'en fait, le dieu fou de l'abattoir, c'est la cadence. La chaîne a ceci d'abrutissant que, en fait, si on veut pouvoir rester à ce poste, si on veut pouvoir garder ce travail, on s'oublie. Mais la plupart des ouvriers sont brisés. 90% des hommes et des femmes souffrent en abattoir de troubles musculo-squelettiques à différents stades, mais souvent, s'ils ont plus de 10 ans d'abattoir, ça devient très grave. Donc en fait, il y a un pacte qui est conclu quand on va bosser à l'abattoir, qui n'est pas dit tel quel, mais que tout le monde comprend très vite, c'est qu'on va y laisser la santé. Les animaux, ils laissent leur vie, les hommes, ils laissent leur santé. C'est plutôt bien payé par rapport aux autres travaux qu'on peut rencontrer difficiles dans la région. En gros, ils ont des salaires qui vont varier de 1500 à 1750, voire 1800 euros, mais qui vont être augmentés d'une prime de fin d'année, de morceaux de viande gratuits s'ils veulent toutes les semaines. L'abattoir essaye de payer un peu mieux ses ouvriers que dans d'autres usines, pour la bonne et simple raison qu'ils ont des problèmes de recrutement assez énormes. C'est leur problème principal. Et aussi de fidélisation, ils n'arrivent pas à garder les gens une fois qu'ils sont là. Et donc du coup, ils multiplient ces espèces de petits bonus. Hein, donc personne s'enrichit, hein, mais pas. Mais disons que pour des travaux difficiles comparables, c'est un peu mieux payé. Et votre infiltration, ça a changé quelque chose à votre rapport à la viande? Un petit peu. Et c'est quasiment obligatoire vu ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'en fait, je sais d'où vient ce steak, que c'est un animal qui a forcément souffert, que la viande soit bio ou pas, ça change rien, puisqu'ils sont tous passés dans les mêmes abattoirs, que c'est un animal qui, la plupart du temps, a aussi souffert pendant qu'il a été élevé. Enfin, il n'y a pas de viande propre, on peut se raconter ce qu'on veut, je le sais. Moi, j'ai eu cette chance de faire mon enquête au moment où, donc c'était après la publication des premières vidéos de L214. Il y avait donc une commission parlementaire qui était mise en place. C'était à l'été 2016 de mémoire. Et moi, j'avais suivi des parlementaires qui étaient partis de l'Assemblée nationale vers 5h ou 6h du matin, qui ont visé un abattoir à Meaux et ils sont arrivés devant l'abattoir qui était en train d'ouvrir. Ça a créé un peu de tension avec les salariés qui ont dit « vous n'avez rien à faire là ». Et les parlementaires ont dit « nous sommes les représentants du peuple, on a envie de rentrer là, on a envie de savoir ce qui se passe, vous nous laissez rentrer. » Donc après l'intervention de la police, ils ont eu le droit de rentrer, moi aussi. Et donc j'ai pu voir comment ça se passait dans cet abattoir. Quand on va dans un abattoir, on voit que les animaux souffrent. Et en fait, en construisant un abattoir, on s'est dit que par notre culture, par notre façon de faire, on va réussir à créer des lieux où l'animal va rester dans les clous de ce qu'on a défini et va quasiment devenir un objet. En fait, même les animaux sont calibrés, standardisés pour rentrer dans les machines qu'on a prévues. Et la vérité, quand on va dans un abattoir, on voit bien que ça marche pas, que les animaux sont pas tous pareils, c'est des êtres vivants, ils se comportent pas tous pareils, et donc ils peuvent pas rentrer dans les clous que nous on a définis. Je sais pas quelle est la bonne façon de les tuer, si c'est des solutions techniques ou. Mais je pense que si on était dans une posture moins supérieure, on arriverait à accorder plus de valeur à l'animal qu'on tue. Et la solution de base, ce serait d'en tuer moins. C'est pas possible de tuer des milliers d'animaux dans un même endroit, dans un espace confiné, dans un temps le plus réduit possible, tout en les respectant et sans les faire souffrir. C'est complètement inconciliable, en fait. Et il y a d'autres informations qui sont importantes aussi à relever sur l'étiquette, et notamment en partant de cette étiquette sanitaire, puisque l'OABA a publié une liste des abattoirs qui sont non agréés pour l'étourdissement. C'est-à-dire que si vous prenez un animal qui porte un numéro, une étiquette sanitaire qui figure sur cette liste, ça veut dire que cet animal a forcément été étourdi. Par contre, si le morceau de viande que vous achetez, de viande bovine que vous achetez, ne vient d'un abattoir qui ne figure pas sur cette liste, ça veut dire que cet abattoir pratique à la fois un abattage conventionnel, ce qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire avec un étourdissement, une anesthésie de l'animal avant qu'il soit saigné, et pratique en même temps, à d'autres moments de la journée, des abattages rituels sans étourdissement. Donc l'animal va être soumis à une saignée brutale extrêmement stressante et douloureuse. Donc c'est une agonie extrêmement douloureuse pour l'animal. Mais le plus important n'est pas là pour le consommateur. Le plus important, c'est que les communautés juives et musulmanes, elles ne volent pas des parties arrière des bovins, donc les parties arrière, donc c'est le rump steak, c'est le filet, c'est le roast beef. Pour l'abattage cachère, il faudrait que l'on enlève tous les vaisseaux sanguins et tous les nerfs de ces parties-là. Or, il est bien évident que pour des raisons de temps et d'argent, il est hors de question de faire ça. Pour les animaux qui sont abattus pour le rite halal, les consommateurs musulmans, pour la plupart, s'intéressent plus aux quartiers avant et aux abats. Donc les abattoirs qui font du rituel vont se retrouver avec la moitié de la carcasse, qui est en plus la plus valorisée. Donc ils vont la faire repasser, entre guillemets, dans le marché domestique. C'est-à-dire que rien ne dit que le roast beef que vous allez manger ne vient pas d'un animal qui n'a pas été étourdi. Viande Guingamp, bonjour. Vous la reconnaissez? C'est la standardiste Paco Mode de mon abattoir. Cette fois-ci, j'arrive à lui poser ma question avant qu'elle me raccroche au nez. Le fait qu'il y a parfois, en fait, quand on achète de la viande ordinaire, en fait, ça peut provenir de l'abattage rituel, c'est-à-dire d'animaux qui ont été tués sans étourdissement. Et du coup, est-ce que vous, votre l'établissement, il pratique l'abattage rituel? Ah oui, on a des clients, oui, qui veulent, oui. Donc c'est possible éventuellement que... Moi je vais vous laisser, madame, bon. Parce que là ça devient un peu, voilà. Au revoir. Quand vous interrogez un abattoir qui fait à la fois de l'abattage sans étourdissement et l'abattage avec étourdissement, en fait, il n'y a aucune obligation pour cet abattoir de faire une différenciation. La seule différenciation qu'ils font, c'est pour leurs clients religieux, les viandes sont estampillées. Mais pour les autres parties, vous avez un mélange total. Vous n'avez absolument aucune identification possible. Donc, si vous demandez les statistiques à l'échelon européen du pourcentage d'animaux abattus sans étourdissement par rapport au pourcentage d'animaux abattus avec étourdissement, il n'y a absolument aucun pays qui a été capable de nous donner la réponse. Le seul moyen, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Le seul moyen, c'est de vérifier que la viande vient d'un abattoir qui n'est qu'en abattage conventionnel. En gros, sur la liste de l'OABA, vous avez pratiquement 130 abattoirs. Comme il y a à peu près 260 abattoirs en France, ça veut dire que vous avez pratiquement une chance sur deux de tomber sur un abattoir qui fait du mix, c'est-à-dire de l'abattage avec et sans étourdissement. étant donné que moi j'ai visité un abattoir et que j'ai vu des animaux être tués en pleine conscience, je sais ce que c'est de voir un mammifère souffrir pendant de longues minutes. Et donc j'aimerais bien avoir le droit en fait de savoir quand j'achète un produit s'il a été tué de telle ou telle façon, quoi. Ça me paraît vraiment être la base en fait. Je ne sais plus trop où j'en suis, ni ce que je vais faire après ce que je viens d'apprendre sur cette histoire d'abattage rituel. Mais une chose est sûre, je suis incapable de me trimballer avec en permanence sur moi la liste des 167 codes à 8 chiffres désignant les abattoirs qui pratiquent systématiquement l'étourdissement et de m'y reporter à chaque fois que j'achète un bout de viande. Je me connais, c'est même pas la peine d'essayer. D'ailleurs, l'œuvre d'assistance aux abattoirs milite pour que le type d'abattage soit directement indiqué au consommateur sur l'étiquette. Ce serait sans doute plus simple, quoique. L'économiste Nicolas Trèche est sceptique. L'industrie va faire du lobbying souvent contre la transparence sur les pratiques du secteur. Par exemple, il n'y a pas d'affichage aujourd'hui, à part pour les œufs, il n'y a pas d'affichage sur le type d'élevage, il n'y a pas d'affichage sur le type d'abattage. L'industrie refuse les vidéos dans les abattoirs ou dans les élevages, etc. En général, l'industrie, elle veut garder la main en tout cas sur les informations qui vont être diffusées et donc je pense qu'elle a plus ou moins conscience que l'information, la transparence pourrait avoir un impact négatif sur les ventes de viande en France. Donc la réponse naturelle finalement de l'industrie, ça va être d'essayer de suggérer que tout se passe bien dans l'industrie et puis d'améliorer les pratiques en disant bon ben voilà, on a fait des progrès, maintenant tout va bien, vous pouvez, si vous achetez ce type de viande, vous pouvez être assuré, elle a été bien traitée, bien élevée, bien abattue, etc. Avec l'idée d'un étiquetage sur le bien-être animal. Un étiquetage sur le bien-être animal, ça serait peut-être aller dans la bonne direction, au sens où ça serait donner de l'information aux consommateurs. Après, aujourd'hui, cet étiquetage, il est très limité. Il existe pour les œufs, pour le bio, qui a une petite partie bien-être animal, mais il est très limité. Pourquoi il est si limité? Encore une fois, je pense que c'est une forme de lobbying de l'industrie. Donc, on peut penser qu'on va quand même nécessairement aller vers ça, mais bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu des évolutions un petit peu similaires dans le domaine de l'environnement, où des gens ont de plus en plus conscience de la pollution des entreprises. Et donc, les entreprises se sont mises à afficher leurs bonnes pratiques, la démarche RSE, par exemple. Toutes les entreprises, finalement, s'y sont mises et elles ont, pour la plupart, fait du greenwashing, du marketing. Et donc, il y a pas beaucoup de raisons de penser que ça ne devrait pas se passer pareil pour l'industrie de l'élevage. Même ceux qui sont vraiment avant-gardistes et font beaucoup d'efforts, ils auront du mal à mettre en avant leurs pratiques vertueuses parce que d'autres vont chercher à les imiter avec de la com, avec ce que je pourrais appeler de l'animal welfare washing en fait. On va dire qu'on fait bien, mais derrière il y aura surtout de la com et il n'y aura pas nécessairement un changement de pratique drastique qui va être mis en œuvre. En attendant l'étiquetage qui me signalera peut-être un jour la viande éthique, si tant est que ça existe, je ne vois pas bien comment rester sur ma belle lancée de consommatrice éclairée, responsable, et continuer à manger de la viande. Est-ce que je dois passer la moitié de ma vie à enquêter sur chaque produit carné que j'avale? J'en suis là de mes interrogations morales quand je remarque sur l'étiquette que la date limite de consommation de mon steak se rapproche dangereusement. Il faut que je prenne une décision. Mais là, dissonance cognitive ou radinerie naturelle, je ne sais pas. Bizarrement, après tout ce que j'ai découvert sur mon morceau de vache, je ne me sens pas de le jeter à la poubelle ou même de le donner aux chiens des voisins. Je décide d'aller jusqu'au bout et de me le faire cuire. Mon petit morceau qu'il fallait sortir du frigo, vous m'aviez dit. Oui, c'est mieux de le sortir à l'avance parce que ça permet à la viande de davantage s'attendrir et puis d'éviter un choc thermique qui ferait qu'elle serait trop raide, trop dure. Et comme je ne suis pas très sûre désormais d'arriver à mettre dans ma bouche ce petit bout de cadavre, je demande à Jérôme Berger, qui est critique gastronomique et cuisine très très bien, de venir me donner des conseils à domicile pour tirer le meilleur de mon steak. Juste, entre parenthèses, la cuisson, ça ne va pas faire de miracle. C'est-à-dire que si j'ai un morceau qui, dès le début, est une piètre qualité, quelle que soit la cuisson à la fin, j'aurai quelque chose de piètre qualité. Bon, à vue de nez, elle a un côté assez terne, que je ne trouve pas très engageant. Elle a un avantage pour elle, c'est qu'on voit des petites fibres blanches qui laissent à penser qu'il y a un peu de gras. Alors, hop, on allume. Voilà, donc moi je fais un démarrage feu vif. Alors attends, c'est ça, hop. C'est mieux d'éviter de piquer la viande, là encore, parce que ça nuit à sa jutosité. En le regardant se rétracter dans la poêle, voilà, j'ai pensé à la jolie vache noire et blanche. Et puis, on va voir qu'elle va commencer à suer un petit peu. Et je me suis demandé si tout carnivore qui a un jour ouvert les yeux est condamné, à plus ou moins long terme, à devenir végétarien. Je me rends compte que malgré le fait que je sois allé dans un abattoir, quand je vois une pièce de viande, je vois toujours une pièce de viande et mon cerveau arrive à me cacher le fait que c'était un animal. Et ce qui aide, je pense, à manger de la viande sans se poser de questions. Le cerveau humain est formidable, c'est que il y a quelque chose de complètement contradictoire dans ma façon de... en sachant ce que je sais, en ayant vu ce que j'ai vu, ça devrait pas être possible de voir une pièce de viande comme simplement une pièce de viande qui serait comme si ça naissait pièce de viande et non pas comme si c'était une partie d'animal, et pourtant j'y arrive toujours, quoi. Si on donnait de l'information aux gens, il y aurait une tendance à réduire la consommation de viande. Il y a aussi un processus de justification. Même si on a l'information, on peut essayer de trouver des excuses, entre guillemets, à notre comportement. Donc, par exemple, il y a ce travail sur les 3 N, cette idée qu'on va se dire que consommer de la viande, c'est naturel, normal et nécessaire. Et donc, dans notre étude, par exemple, on a posé des questions et on a vu aussi que les gens utilisaient ces formes de justification. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que même si vous avez de l'information objective sur les conditions d'élevage des animaux, vous avez encore beaucoup d'espace pour arriver à vous en sortir, on va dire, et continuer à manger de la viande. Je ne sais pas trop ce qui va se passer maintenant. Quelle stratégie de résistance mon subconscient d'omnivore va déployer. En tout cas, je ne me sens pas encore capable de prendre une position radicale. Elle est un peu... Ouais, là, c'est ça. Elle est trop cuite, oui. Ouais. Savoir ce que l'on mange, ne plus se mentir, c'est déjà un premier pas. Et puis je me suis quand même promis d'arrêter le steak haché. Et aussi les barquettes low cost. De pousser de temps en temps la porte de la boucherie du quartier, malgré ses tarifs vertigineux. Alors, ce serait déjà pas mal pour commencer. Ça n'a pas le goût de bœuf, ça. Franchement, ça pourrait être du poulet, ce serait pareil. Hein. On ne trouve pas la qualité d'une viande de bœuf. Là... copine de lycée que je n'avais pas vue depuis longtemps est venue dîner. Je lui ai préparé du riz basmati avec des lentilles au lait de coco. Parce qu'en préparant l'émission, j'avais lu quelque part que le combo céréales plus légumineuses remplace très bien les protéines animales. Sur le coup, ma copine était un peu surprise. Qui nous aurait prédit ça il y a 20 ans quand on séchait la cantine pour s'enfiler des Big Mac? Mais elle s'est resservie 2 fois. Et effectivement, c'était délicieux. Merci à Nicolas Trèche, économiste, Thibaut Shepman et Geoffrey Le Guilcher, journaliste, Michel Coura, vétérinaire, Jérôme Berger, critique gastronomique et Stéphane Geoffroy, salarié, auteur de « À l'abattoir » dans la collection « Raconter la vie ». Les paradoxes de la viande, jeunesse d'un steak et casse-tête dans l'assiette, une émission de Delphine Seltel et Vincent Deck. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au supermarché, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les bonnes plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, dernier épisode, à l'école des bouchers. Et pour encore plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue, de documentaires d'auteurs.